En wagon de Guy de Maupassant. Le soleil allait disparaître derrière la grande chaîne dont le Puy-de-Dôme est le géant, et l'ombre des cimes s'étendait dans la profonde vallée de Roya. Quelques personnes se promenaient dans le parc autour du kiosque de la musique. D'autres demeuraient encore assises, par groupes, malgré la fraîcheur du soir. Dans un de ces groupes, on causait avec animation, car il était question d'une grave affaire qui tourmentait beaucoup mesdames de Sarcagne, de Volacelle et de Bridoie. Dans quelques jours allaient commencer les vacances et il s'agissait de faire venir leur fils élevé chez les jésuites et chez les dominicains. Or, ces dames n'avaient point envie d'entreprendre elles-mêmes le voyage pour ramener leurs descendants et elles ne connaissaient justement personne qu'elles pussent charger de ce soin délicat. On touchait au dernier jour de juillet. Paris était vide. Elles cherchaient, sans trouver, un nom qui leur offrit les garanties désirées. Leur embarras s'augmentait de ce qu'une vilaine affaire de mœurs avait eu lieu quelques jours auparavant dans un wagon. Et ces dames demeuraient persuadées que toutes les filles de la capitale passaient leur existence dans les rapides entre l'Auvergne et la gare de Lyon. Les échos de Gilles Blas, d'ailleurs, au dire de M. de Bridoie, signalaient la présence à Vichy, au Mont-d'Or et à la Bourboule de toutes les horizontales connues et inconnues. Pour y être, elles avaient dû y venir en wagon, et elles s'en retournaient indubitablement encore en wagon. Elles devaient même s'en retourner sans cesse pour revenir tous les jours. C'était donc un va-et-vient d'impur sur cette maudite ligne. Ces dames se désolaient que l'accès des gares ne fût pas interdit aux femmes suspectes. Or, Roger de Sarcagne avait 15 ans, Gontran de Volacelle 13 ans et Roland de Bridoie 11 ans. Que faire? Elles ne pouvaient pas cependant exposer leurs chers enfants au contact de pareilles créatures. Que pouvait-il entendre? Que pouvait-il voir? Que pouvait-il apprendre s'il passait une journée entière ou une nuit dans un compartiment qui enfermerait peut-être une ou deux de ces drôlesses avec un ou deux de leurs compagnons? La situation semblait sans issue quand Madame de Martinsec vint à passer. Elle s'arrêta pour dire bonjour à ses amis qui lui racontèrent leurs angoisses. « Mais c'est bien simple, s'écria-t-elle, je vais vous prêter l'abbé. Je peux très bien m'en passer pendant 48 heures. L'éducation de Rodolphe ne sera pas compromise pour si peu. Il ira chercher vos enfants et vous les ramènera. » Il fut donc convenu que l'abbé Le Cuir, un jeune prêtre, fort instruit, précepteur de Rodolphe de Martinsec, irait à Paris la semaine suivante chercher les trois jeunes gens. L'abbé partit donc le vendredi et il se trouvait à la gare de Lyon le dimanche matin pour prendre, avec ses trois gamins, le rapide de 8 heures. Le nouveau rapide direct, organisé depuis quelques jours seulement sur la réclamation générale de tous les baigneurs de l'Auvergne. Il se promenait sur le quai de départ, suivi de ses collégiens, comme une poule de ses poussins, et il cherchait un compartiment vide ou occupé par des gens d'aspect respectable, car il avait l'esprit hanté par toutes les recommandations minutieuses que lui avaient faites mesdames de Sarcagne, de Volacelle et de Bridoie. Or, il aperçut tout à coup, devant une portière, un vieux monsieur et une vieille dame à cheveux blancs qui causaient avec une autre dame installée dans l'intérieur du wagon. Le vieux monsieur était officier de la Légion d'honneur et ses gens avaient l'aspect le plus comme il faut. « Voici mon affaire, » pensa l'abbé. Il fit monter les trois élèves et les suivit. La vieille dame disait « Surtout, soigne-toi bien, mon enfant. » La jeune répondit « Oh oui, maman, ne crains rien. Appelle le médecin aussitôt que tu te sentiras souffrante. Oui, oui, maman. Allons, adieu, ma fille. Adieu, maman. » Il y eut une longue embrassade, puis un employé ferma les portières et le train se mit en route. Ils étaient seuls. L'abbé, ravi, se félicitait de son adresse et il se mit à causer avec les jeunes gens qui lui étaient confiés. Il avait été convenu, le jour de son départ, que Madame de Martinsec l'autoriserait à donner des répétitions pendant toutes les vacances à ses trois garçons. Il voulait sonder un peu l'intelligence et le caractère de ses nouveaux élèves. Roger de Sarcagne, le plus grand, était un de ces hauts collégiens poussés trop vite, maigres et pâles, et dont les articulations ne semblent pas tout à fait soudées. Il parlait lentement, d'une façon naïve. Gontran de Volacelle, au contraire, demeurait tout petit, trapu, et il était malin, sournois, mauvais et drôle. Il se moquait toujours de tout le monde, avait des mots de grande personne, des répliques à double sens qui inquiétaient ses parents. Le plus jeune,